Me quemo, te quemo yo. Tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento. Me sube, sube, sube la calor. Me quemo, te quemo yo. Tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento. Me sube, sube, sube la calor. Viens m'enflammer dès le soleil couché. Chauffe mon âme, jamais, jamais calme. Viens m'enflammer depuis qu'on se connaît. Jamais en panne, avec toi je plane. J'ai toujours le cœur honnête, comme une étincelle à mes côtés. Comme un feu qui me colle à la peau. J'ai toujours le cœur honnête, comme si l'hiver était de trop. Moi j'ai toujours le sang chaud. Te quemo yo, tu cuerpo es un incendio. Con mis sonidos te caliento. Ay, sube, sube, sube la calor. Me quemo, te quemo yo. Tu cuerpo es un incendio. Con mis sonidos te caliento. Y sube, sube, sube la calor. Bien m'enflamé, jusqu'à la nuit tombé. Envoûté mon âme, jamais, jamais calme. Bien m'enflamé, sans jamais t'arrêter. Jamais en panne, avec toi je plane. J'ai toujours le cœur en été, comme une étincelle à mes côtés, comme un...